une cocotte est arrivée sur le site du Tour à vélo à énergie positive. Donc c'est pour inviter les personnes à jouer. Et ce sont des questions qui sont en relation avec l'énergie. Donc Clara, en direct à la radio, tu vas répondre à une des questions. Je te donne la cocotte dans tes mains. Tu la mets dans tes quatre doigts. Un chiffre de 1 à 8. 7. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Quelles sont les thématiques proposées ? Je l'ai dit. Alors, il y a ressources inépuisables, pas de surchauffe, c'est pas du vent et rébus. D'accord. Choisis celle qui te plaît. C'est pas du vent. C'est pas du vent. Quelle est la question ? Alors, la question est, et moi, je peux adopter un panneau solaire ? Voilà. Et pour trouver la réponse, je t'invite à aller sur un des stands d'Alternatiba pour avoir cette réponse. D'accord. Comment un citoyen peut acquérir un panneau solaire dans la ville ? Donc le but de ce jeu, en fait, c'est de répondre à des questions et de chercher les réponses sur les stands qui sont en rapport avec l'énergie, la transition énergétique. Okay. Voilà, il y a tout type de questions. Donc là, je pars dans le parc avec Gaëlle et nous allons inviter les personnes qui sont dans le parc cet après-midi à venir jouer avec nous, les parents, les enfants. D'accord. Merci Clara, tu es la première à avoir testé ce jeu. Parfait. Ça te plaît ? Ouais, carrément. Voilà. Tu peux la garder, la cocotte ? Tu la gardes et tu joues.